vêtements dans le coltard. Je me shoot à la médine en guise de cocaïne. Je suis cool dans ma Rolls au son du rock'n'roll. Et plus ça roule, plus ça rôle. C'est cool dans ma Rolls. Il est déjà 2 heures. Je m'accoute au flipper. Ma soeur est là sur son scooter. Je me bats.